Bonjour à tous, c'est Papy José. Bienvenue pour ce nouvel épisode de mon émission « Il y a des choses à dire » consacrée à l'handicap visuel vu autrement. Bienvenue à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, la nouvelle émission de « Il y a des choses à dire » qui sera consacrée cette fois au braille. Alors, avant d'expliquer le pourquoi de cette émission, quelques chiffres. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près un peu moins de 2 millions de personnes déficientes visuelles. Sur ces 2 millions, vous en avez 1 100 000 qui sont très malvoyants. Et sur cette population, on en retrouve 210 000 qui sont aveugles ou presque. Et sur cette population de 210 000 personnes, à peine 70 000 connaissent le braille, l'ont connu, ont peut-être travaillé un peu avec, et pour finir, 15 000 le pratiquent tous les jours. C'est donc quelque chose qu'on ne pratique pas beaucoup dans le monde des déficients visuels. On peut se poser une question, est-ce que c'est parce que le braille est devenu ringard ou est-ce qu'il est démodé? Pour répondre à cette question, j'ai avec moi deux invités qui se présenteront après. Donc Isabelle, qui est professeure de braille, et notre ami Shelton, qui est lycéen, je crois, en seconde, à Georges de la Tour. Je vais vous laisser vous présenter, Isabelle. Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Tanazac. Je suis responsable d'une structure qui s'appelle la SAEDV. C'est la structure d'accompagnement des élèves déficients visuels à la cité scolaire Georges de la Tour. Donc, je suis enseignante spécialisée, alors je n'enseigne pas que le braille, j'accompagne des élèves de la 6e à la terminale qui sont déficients visuels, soit malvoyants, soit non-voyants. Donc on est amené à faire du braille comme avec Shelton qui va prendre la parole ensuite. Mais on reprend aussi toutes les notions de français, d'histoire géo, de maths, etc. Car ce sont des élèves qui sont inclus totalement dans leur classe d'âge, qui sont dans leur classe. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Shelton. Alors bonjour à tous, moi c'est Shelton Pablo, je suis en classe de 4e 3 et je pratique le braille avec Isabelle Tanazac et puis d'autres personnes de la B15. La B15 c'est le nom de la structure raccourcie. D'accord. Alors pour la petite histoire, on fête les 200 ans du braille. Vous nous en parlez un petit peu Isabelle ? Alors oui, on fête les 200 ans du braille, puisque le braille il a été inventé par Louis Braille il y a 200 ans. Donc, Louis Braille, pour la petite histoire, en fait, il est né voyant. Son papa, il habite en Seine-et-Marne, dans la grande banlieue parisienne, à 40 km de Paris. Et son papa est bourrelier, donc il fabrique des instruments en cuir pour les chevaux, des harnais, etc., pour les bovins. Et puis, à l'âge de 3 ans, il va jouer dans l'atelier de son papa. Il échappe à sa surveillance. Et puis, il va utiliser un outil, une serpette. Et il va se blesser l'œil droit. À l'époque, la médecine n'est pas encore très évoluée, on va dire. L'infection va vite gagner l'œil gauche. Et à l'âge de 5 ans, il devient complètement aveugle. Pour la petite histoire, son papa, qui voulait qu'il soit comme les autres enfants, l'a inscrit dans l'école du village. Et il a construit une planche en bois où il clouait des clous pour former les lettres romaines, nos lettres imprimées. Et le petit Louis Braille, en fait, avec son doigt, il suivait ses grandes lettres et ses nombreux clous. C'était très long. Alors, on va s'arrêter un peu là-dessus parce que, bon, je crois savoir que le braille est issu à l'origine, je crois que c'était une invention militaire, je crois, qui avait existé oui, sur c'est le ça. Sujet. C'est ouais, ça, c'est ça. Charles Barbier de Serre qui a inventé, en fait, il avait inventé un système de points, hein, comme les points qu'on a aujourd'hui. Le braille, c'est des points, en fait, hein. Vous avez tous dû voir sur des boîtes de médicaments, etc. Donc, tes points... 12, il y a 12 points qui y sont. Ah, c'était 12 points à l'époque, c'était 6 points. 12 points. Six points. En fait, il a inventé, c'était deux colonnes, une de droite, une de gauche, avec 6 points, les uns au-dessus des autres dans chaque colonne. La différence, c'est que lui, c'était essentiellement pour reconnaître des formes, des choses comme ça, alors que Braille, lui, c'était vraiment les lettres. Charles Barbier de Serre, quand il fait ce système qu'on va appeler un système de sonographie, en fait, c'était des sons. Ça ne respectait pas du tout l'orthographe. Par exemple, je vais vous dire chien, et ben on avait des points qui étaient assemblés, qui faisaient un ch et un yin. Mais il n'y avait pas du tout d'orthographe. C'était juste un système sonore, en fait. Ce qui a posé problème, parce qu'en fait, l'orthographe n'était pas respectée. Donc les non-voyants, en fait, oui, ils avaient accès, mais c'était que à la langue parlée qui était transcrite en forme de son. D'accord. Donc là, on en est... encore au 19e siècle, d'accord ? C'est ça. Et bah, c'est justement là où, est-ce qu'il n'est pas ringard ce braille ? Aujourd'hui, on le pratique. Shelton, quand tu as vu arriver le braille pour la première fois, c'était quand ? Moi, j'ai vu arriver le braille en octobre 2023, en 6e, après une perte de vue qui était importante. Ouais. Et aujourd'hui, ça fera bientôt 3 ans que je pratique le braille et que je m'en sors quand même pas mal, quoi. C'était à ta demande ou on te l'a proposé ? Alors, on m'a proposé, c'est même pas une proposition qu'on m'a faite. C'était plutôt, on va dire, une obligation parce que j'avais pas le choix. Alors que moi, au début, je n'acceptais pas. Enfin, je voyais. Enfin, aujourd'hui, je vois flou. Alors qu'avant, je voyais net et je me disais à quoi ça sert. Et je me suis dit bon, si c'est pour moi, je dois le faire. Donc, je l'ai fait avec. Tu as une réaction, une très très bonne réaction, parce que pour moi, qui était malvoyant quand j'étais gamin, oui. J'ai dit non parce que je voyais encore. Voilà. Moi, j'ai accepté malgré. Que dans ma tête, je me disais comment va réagir mon père, ma famille et puis mes amis. Et puis, au fur et à mesure que j'ai appris le braille... Pourquoi tu t'es posé cette question ? Parce qu'au contraire, l'environnement doit plutôt dire oui, il en aura peut-être besoin et c'est toi qui aurais dû être à l'inverse. Je veux pas. Pourquoi cette réaction ? Quand t'as un certain âge, surtout... Pour un adolescent de 11 ans, je pense que tu as plutôt ce genre de réaction qui va te... T'avais peur. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et donc maintenant, tu es en plein dans le braille, maintenant tu maîtrises bien le braille aujourd'hui. Ouais, je le vis bien. Je le vis bien. Isabelle, quand on apprend à lire, c'est un peu différent. On est en maternelle, on a tous le même âge. Il faut apprendre les formes, il faut apprendre les lettres, etc. Le braille... On le commence à tout âge quasiment. Quel est l'apprentissage ? Comment on fait ? Alors, on va commencer par ce qu'on appelle le pré-braille. Le pré-braille, ça va être développer toutes les sensibilités tactiles, au niveau de la pulpe des doigts. Donc, on va manipuler de la pâte à modeler, des différentes textures, douces, rugueuses. Voilà, on va développer le toucher, on va dire, mais on va développer aussi la conscience de son corps. Parce que l'enfant, il faut bien qu'il comprenne que ses mains, elles font partie de son corps. Ça va être l'outil pour lire, mais elles font partie aussi de son corps. Une fois que toutes ces étapes sont validées, toutes les compétences, on va passer sur l'apprentissage des lettres, etc. Et souvent, aujourd'hui, les enfants, ils sont inclus en classe totalement. Donc, en fait, ils vont suivre la même méthode que les camarades de leur classe, par exemple en CP, qui va être adaptée, transcrite en braille. Et il y a souvent un enseignant spécialisé qui va venir sur des heures à l'école pour reprendre les notions de braille, pour vraiment lui apprendre. Et ça va demander un peu plus de temps parce qu'en braille, il y a quelque part plus de lettres à apprendre que ce qu'on appelle en noir, en imprimé. Parce que, par exemple, la lettre A, c'est un point. En braille. Si vous voulez faire un A majuscule, le voyant, lui, il va directement accéder à voir que c'est une majuscule. En braille, il n'y a pas de majuscule. Donc, on va mettre un préfixe devant deux points, devant les points 4, 6, qui vont dire attention quand on va les toucher. Ça, c'est une lettre majuscule. Alors, quand on met un préfixe, comme vous dites, un deux points avant le A, donc c'est le point en haut à gauche, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, les deux points, ils ne se confondent pas avec un autre caractère, un autre signe ? Alors, non. Non. Non. Quand tu apprends au fur et à mesure, il n'y a pas vraiment cette confusion que vous pensez qu'il peut y avoir. D'accord. Et il y a aussi le point 7 aussi qui est inclus dans le braille informatique. Donc, en fait, le point 7, il remplace les points 4 et 6. Le préfixe, en fait. Voilà. Il existe différents types de braille, en fait. Il existe le braille qui a été inventé par Louis Braille, c'est 6 points. À la suite de ces 12 points, il a inventé par Charles Barbier. Il a retouché pour que ça soit plus rapide, qu'on ait à toucher que 6 points au niveau de la pulpe des doigts. C'est ce qu'on appelle le braille littéraire, qu'on va retrouver dans des livres, qui va être ce qu'on appelle imprimé en braille. Ça s'appelle embossé. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle depuis 1990, à l'ère du numérique avec l'évolution, il y a ce qu'on appelle aussi le braille informatique, le braille numérique. En nouvelle technologie, on en parlera après, parce que j'ai d'autres petites questions avant, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait également le braille abrégé. C'est quoi le braille abrégé ? Alors, pour comprendre que le braille en 6 points, le braille de Louis Braille, en fait, ça prend beaucoup de place et c'est très long à lire. Par exemple, si vous avez un Harry Potter, quand il va être imprimé en papier, pour pouvoir le stocker, un premier tome, il faut une armoire complète. Donc ça prend énormément de place. Oui, parce qu'il n'y a pas de verso déjà, hein, c'est que du recto, forcément. Alors si, il y a de ce qu'on appelle l'interpoint du verso. Il faut être un bon brailliste pour pouvoir lire en recto-verso. Ça existe, le recto-verso. Ah ouais, d'accord, oui. Je ne savais pas. Donc, c'est long à taper, à lire, etc. Il faut savoir que quand un lecteur a un très bon brailliste, il va forcément lire moins vite qu'un voyant, à peu près 30% moins vite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le braille, on le touche avec les doigts et c'est lettre par lettre, c'est en linéaire, c'est que sur des lignes. Donc vous ne pouvez pas avoir une vision globale directe du mot. C'est-à-dire qu'un lecteur expert, il va avoir bateau, il ne va pas décomposer bateau, il est expert, il va le voir directement. En braille, ce n'est pas possible puisque c'est lettre après lettre. Vous allez sentir le B, le A, le T, le E, A, U, etc. Donc, c'est long. Donc, on s'est dit à un moment, il va falloir trouver un système plus rapide, moins encombrant. On a inventé le braille abrégé. C'est un système un peu fondé sur de la sténo, où vous avez une codification. Par exemple, si vous lisez les lettres BG, vous apprenez que ça veut dire budget. Ça va beaucoup plus vite, ça prend beaucoup moins de place. C'est des consignes comme la sténo qu'on faisait à l'époque. Hein. Moi, j'ai pas appris la sténo, mais j'ai appris la dactylo, parce que bon, tout le monde, c'était obligatoire. Et je dis merci encore parce que bah, je tape avec tous mes doigts sur mon clavier. Ça, c'est hyper important, Shelton. Je te l'avais dit, je crois. Oui, oui, oui. Mais pour écrire, c'est complètement l'inverse. Il faut avoir... C'est un peu comme si on se regardait dans un miroir. On écrit à l'envers quand on écrit au poinçon, en fait, avec une tablette. Ça, oui, ça a demandé énormément de temps. C'est-à-dire que vous avez une espèce de petite tige, en fait, métallique, avec un pic. Et vous allez percer le papier. Ce que j'avais appris à l'époque, voilà, avec le stylet. Ça, effectivement, il faut écrire à l'envers. Alors qu'aujourd'hui... Ce qui est quand même très avantageux, c'est que on a le BrailleSense, du coup, et avec le BrailleSense, c'est un ordinateur assez spécifique, c'est quand même un ordinateur Braille, où on retrouve tous les points, mais en plus les points 7 et 8. Donc ça, c'est de l'informatique. Et puis, ce qui est avantageux quand même, c'est qu'on n'a pas besoin d'écrire à l'envers, comme vous le dites. On peut imaginer, je te coupe, Shelton, parce qu'une personne qui voit, il a un clavier AZERTY. Hein, vous connaissez le clavier AZERTY, oui, QWERTY, etc. Est-ce que c'est la même chose pour avec le braille? C'est-à-dire que c'est le même clavier, mais au lieu d'avoir la lettre qu'on lit, c'est des points? Pas du tout. Non, en gros, si vous voulez... C'était tellement facile à comprendre. Alors, moi, je l'ai, mais vu que... Voilà. Peut-être de la Perkins, ça sera peut-être... En gros, vous voyez... Le clavier Perkins, j'ai entendu parler de ça, c'est quoi ça? Alors, la Perkins, en fait, c'est une machine à écrire, braille, comme les vieilles machines à écrire hein, qu'on utilisait à l'époque, avant les ordinateurs. C'est une machine à écrire métallique, très lourde, où vous avez 6 touches. Uniquement 6 touches qui vous permettent de faire les 6 points dont on a besoin pour écrire le braille. Ça veut dire que si vous voulez taper la lettre B, c'est le point numéro 1 et 2, c'est-à-dire que c'est la colonne de gauche, les deux premiers points qui vont être l'un au-dessus de l'autre. Vous allez frapper sur la touche 1 et 2 de la machine à écrire braille qu'on appelle une Perkins. En même temps. En même temps, vous avez une feuille qui est insérée. Et ça va aller percer la feuille et vous allez avoir votre lettre B qui va apparaître. Les gens qui nous écoutent, les auditeurs, ils doivent se dire, mais pourquoi être aussi compliqué alors qu'avec un clavier AZERTY classique, tout simplement, il y a les lettres parce qu'elles seront en plus en relief, donc ça serait facile. Ça n'existe pas, ça? En fait, si, il y a aussi le... Comment ça s'appelle? Il y a le bloc-notes, en fait. Ouais. C'est un ordinateur braille. Donc, en fait, sur l'ordinateur braille, explique tes touches. Comment t'écris, Shelton, avec l'ordinateur braille? Bah, en fait, j'ai toutes les touches, j'ai les 6 points, du coup, avec d'autres fonctionnalités. Mais comme je voulais le dire tout à l'heure, on n'a pas besoin d'écrire à l'envers, en fait. C'est à l'endroit. Oui, ça, j'ai compris, oui. En fait, sur son ordinateur braille, il va avoir les 6 touches pour faire les 6 points braille. Il va avoir une touche 7, numéro 7, et une touche numéro 8, parce que le braille numérique, c'est en 8 points. Ouais, c'est d'options, quoi. Par exemple, pour les majuscules dont on parlait tout à l'heure, il fallait mettre un préfixe. Pour la majuscule, c'est le point 7. Et pour tout ce qui sont les accents, surtout les accents graves et les trémas, les accents circonflexes, là on va utiliser le point 8. En fait, c'est un système qui va aller plus vite. Les points 7 et 8, ils ont été inventés pour aller plus vite, justement pour ne pas mettre de préfixe comme on fait en braille papier. Tu as appris le braille, Shelton, en 6e, hein, c'est sixième. Ça, si je reprends. Tu es actuellement en seconde, je crois, c'est ça? En 4e. En 4e, pardon. Donc tu es toujours au collège. Oui, oui. Et maintenant, tu le pratiques comment? Parce qu'entre 6e et 3 ans, c'est pas énorme encore. C'est pas énorme, mais j'ai commencé le braille super vite. Donc, c'est-à-dire que au début de la 6e, j'avais déjà entendu parler du braille. Et quand j'ai appris, j'étais super intéressé et je suis allé quand même assez vite. Du premier trimestre de la 6e au second trimestre, je suis passé de la Perkins au Braille Sense. De la machine à écrire Braille à l'ordinateur Braille. Voilà. Je tape super vite, mais pour lire, chose que je suis en train d'apprendre aujourd'hui avec Isabelle, je suis un peu moins bon. Et c'est pour ça que je suis en train de faire les... Ah, il est dur avec lui-même. En fait, le braille, ça se lit avec les deux doigts, hein, les deux index. C'est ce qu'on appelle une lecture bimanuelle. Et souvent, les élèves, quand ils débutent, ils ont un... C'est l'index gauche, quand on a été droitier. Si... Shelton, il a écrit, donc il sait qu'il est droitier. Souvent, ça va être l'index gauche. Moi, c'est pareil. Je lis avec l'index gauche, j'étais droitière. Et vous utilisez que l'index gauche parce qu'on va mieux sentir les points. Mais si on n'utilise qu'un seul index... On va perdre du temps parce que pour se repérer dans une feuille braille, il va falloir aller trouver la ligne qui est en dessous. Vous êtes ligne 1, il faut aller ligne 2. Et vous pouvez mélanger les points, en fait. C'est assez compliqué. Donc, quand on commence, on va dire on est ligne 1, on suit avec ses deux doigts. Arrivé au milieu de la ligne, l'index gauche va chercher la ligne numéro 2, le début de la ligne. L'index droit finit la ligne 1. Quand on a fini la ligne 1... Beaucoup d'attention, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'on va perdre nos auditeurs, évidemment, hein, ça c'est clair. Je parlais tout à l'heure d'un chiffre qu'un temps 15 000 personnes qui pratiquent le braille. En France, ce n'est pas beaucoup quand même. Hein. Oui. Et déjà à Nancy, est-ce que c'est plusieurs écoles qui pratiquent le braille ou c'est uniquement à Georges de la Tour ? À Georges de la Tour, on est la structure d'accompagnement des élèves déficients visuels, mais vous avez aussi évidemment le CEDV, le Centre d'éducation à la déficience visuelle Santifontaine, où Shelton peut nous en parler puisqu'il est interne là-bas. C'est une structure aussi et aussi un internat. Moi, personnellement, quand j'ai les temps d'études, donc de 17h à 18h, soit je vais faire mes devoirs, soit je vais apprendre à manuser le Braille Sense avec un professeur aussi qui connaît le braille, qui sait et qui va m'apprendre aussi à utiliser ça. Mais en soi... Est-ce que c'est un passage obligé de passer par Santifontaine quand on apprend le braille ? Non, c'est pas un passage obligé. Pour moi, ça a été parce que moi, je voulais venir ici justement pour mieux apprendre le braille parce que au début, quand j'étais à Metz, à Jules Lagneau, je n'ai pas bien appris le braille, malgré qu'aujourd'hui je sois bon, je n'ai pas bien exercé le braille quoi. Donc je suis quand même venu à Santifontaine non seulement pour apprendre le braille et pour aussi devenir pour être mieux autonome. Donc tu apprends le braille aussi bien avec Isabelle et son équipe, hein, parce que j'en ai plusieurs hein, à Georges de la Tour, Isabelle. Oui, on est plusieurs. Il y a ma collègue Sandrine Jolival qui s'occupe plus de la partie mathématique. Et excuse-moi de te couper. Le braille, il n'y a pas seulement aussi à Georges de la Tour, il y a aussi, si j'ai compris, au Sacré-Cœur, parce que je connais des élèves là-bas qui sont du coup à Santifontaine, qui, eux, ont aussi une vue assez basse et qui apprennent également le braille. D'accord. Oui, Santifontaine, en fait, ils vont suivre l'ensemble des élèves déficients visuels d'une zone, on va dire. Et il y a des élèves, en fait, qui ne sont pas internes à Santifontaine, je veux dire, qui sont en CE2, par exemple, dans une école primaire, et qui vont être dans leur... Puisqu'on est à l'ère de l'inclusion, qui vont être dans leur classe avec leurs camarades et qui vont apprendre le braille grâce à des enseignants spécialisés de Santifontaine qui vont se déplacer et qui vont leur apprendre le braille à l'école. Et je pense que aussi, ce qui serait bien dans notre époque d'aujourd'hui, c'est pas d'obliger, mais de mettre en option aussi l'apprentissage du braille, que ça soit pour un enfant qui a une bonne vue, que pour un enfant qui a une mauvaise vue, parce que ça pourrait être intéressant pour chacun de nous. C'est un peu compliqué parce que les enfants, moi j'ai connu ça, hein. Je voyais et apprendre le braille. Quand on voit, on comprend pas pourquoi. Toi, tu voyais avant. Oui, mais après... Est-ce que tu lisais ? Oui, moi, je lisais, sauf que, justement, aujourd'hui, par rapport à la lecture, par exemple, je vais dire n'importe quoi, par exemple, il y a le mot bibliothèque, dès que je vais voir le BI, je vais me dire, ah, peut-être que c'est bison, enfin, en fait, je vais vouloir prédire, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de mots qui ont été ancrés dans ma tête, quoi. C'est... Parce que moi, j'ai pas assez lu quand je voyais encore suffisamment bien, quoi. Parce qu'en sixième, tu sais, t'as appris à lire en primaire, non ? Oui. T'étais en primaire, CP, tu lisais normalement, pratiquement. À partir de maternelle même, Eh bien, bien sûr, oui, bien sûr. D'accord. Et au niveau du braille, donc, il y a les écoles, enfin, On a donc Sacré-Cœur, on a Georges de la Tour et Santifontaine aussi qui apprennent le braille. En fait, dans n'importe quelle école, aujourd'hui avec la loi de 2005, hein, la loi d'orientation, chaque enfant qui est porteur d'un handicap, quel que soit le handicap, il a le droit d'être scolarisé dans l'école du village, dans l'école qui est la plus proche. Et c'est à l'Éducation nationale de mettre en place les adaptations nécessaires, etc., pour accueillir et mettre l'élève dans les meilleures conditions possibles pour qu'il réussisse. Et avec la pratique, Isabelle, ça se fait pas? Ah si, ça se fait. Ça se fait quand même? Oui, si, ça se fait. Ah, je suis content. Oui, si, ça se fait. D'accord. Et donc, on a une idée sur le nombre de personnes qui apprennent le braille sur la métropole? Non, je n'ai pas, pas d'idée, non. Je ne cherche pas de stats. Non, je ne cherche pas de stats. Parce que quand j'étais à Georges de la Tourne, vous étiez peu. Hein, vous étiez 4-5 élèves, je crois, grosso modo, hein, qui apprenaient le braille. C'est les petites équipes. Alors, on apprend en équipe, on n'apprend pas de manière individuelle, on apprend un petit groupe comme ça, on peut apprendre en groupe, non ? Oui, c'est possible, mais moi personnellement je l'apprends vraiment en individuel. Oui, parce que chaque élève va avoir ses caractéristiques, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la même manière d'appréhender le handicap. Chez Shelton, il est très bien appréhendé, il est très bien accepté. Il y a d'autres élèves... Ah, il a bien accepté son handicap, ça, on le sent, hein, tout à fait. Mais il y a d'autres élèves, en fait, qui perdent de vision à un âge plus avancé que Shelton, pour qui c'est beaucoup plus compliqué d'accepter le braille, d'accepter le handicap, parce qu'on est adolescent, il y a le regard de l'autre aussi. Ah, oula. Et vous voyez, par exemple, se déplacer à la cale dans les locaux, etc., quand on a un ado, quand on est au lycée, ben, c'est pas évident non plus, hein, de montrer à l'autre sa différence comme ça. Donc, c'est en individuel quand même le braille, parce que c'est chacun a sa manière d'appréhender les choses. Et puis aussi, ça dépend aussi du programme scolaire que l'individu peut avoir. Parlons-en du programme justement. Tu es donc en classe avec d'autres élèves qui eux voient normalement. Oui. Comment tu arrives à suivre ? Quelqu'un est à côté de toi, tu as des cours en braille, Il y a l'aide d'élèves en situation de handicap qui l'AESH qui est à côté de moi, qui est surtout là pour lire ce qu'il y a décrit au tableau et qui va m'aider ou qui va me dicter quand j'ai besoin d'un peu d'aide, quoi. Mais sinon, franchement, faut juste avoir de la volonté. Moi, j'ai pas. Et puis de la mémoire. La mémoire est hyper importante. C'est ça. Travaille ta mémoire, c'est ce qu'il y a de plus important. Shelton, tu peux nous expliquer les cours? Vous lisez un texte en français, vous analysez En ce moment, comment je les ai? Grâce à la B15, du coup, il y a plusieurs transcripteurs qui peuvent le transcrire du coup, sur une clé USB ordinaire. Hein, voilà. Transcripteurs, c'est des personnes qui écrivent en braille, c'est ça? Qui vont écrire normalement et qui peuvent de la mettre sur la clé USB pour qu'après toi tu puisses brancher en quelque sorte la clé USB sur l'ordinateur, donc sur le BrailleSense, et qui puis après l'ordinateur qui traduit. C'est l'ordinateur, en fait c'est ça, c'est nous les enseignants nous envoient leurs cours. On a donc en fichier numérique, ou bon, même en format papier, qu'on va traiter en numérique. Il y a quelques adaptations quand même à faire dans le fichier numérique. Il faut que le document soit propre. Par exemple, en braille, on ne peut pas lire de tableau. C'est que du linéaire, le braille. Donc on adapte, on enregistre ça sur une clé USB qu'on fournit à Shelton, et c'est son ordinateur qui va transcrire, qui va tout simplement du format texte. Format texte et c'est du texté ou du DocX, on peut, mais il faut que les documents soient propres. DocX, MBE, Mais pas de mise en page particulière. On enlève tous les tableaux, évidemment, on passe tout en linéaire. Tout ce qui va faire barrière, on va le traiter, en fait, et on va l'adapter. Que l'ordinateur puisse transcrire correctement le braille. D'accord. Et après, on s'entraîne aussi sur du braille papier. Donc là, c'est important de s'entraîner sur du papier par rapport à du numérique. Et là, on a ce qu'on appelle une imprimante braille. Donc on peut imprimer du braille, ça, c'est une imprimante qui va percer des trous. C'est le débat que j'ai eu avec Isabelle justement par rapport au braille papier, contrairement au braille informatique, parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions qui me passaient vers la tête. Enfin, qu'est-ce qui est le plus avantageux? Est-ce que c'est le papier? Est-ce que c'est le numérique? Et puis du coup on a eu ce débat par rapport aussi au bac, tout ça. T'en conclus quoi? Pour toi c'est quoi le meilleur? Je pense que c'est les deux. Franchement, très bonne réponse. Je pense que c'est les deux. En fait, c'est les deux, parce qu'il faut comprendre qu'en braille numérique, c'est ce qu'on appelle du braille éphémère. C'est ce qu'on appelle du braille éphémère. Vous allez avoir 4 mots. Et puis Shelton, il appuie sur la flèche bas, il a 4 autres mots qui apparaissent. Et les 4 premiers mots, il les a plus sous les doigts. Ça veut dire que quand vous travaillez un texte littéraire, au bac, où il y a des paragraphes, etc., il faut pouvoir accéder à la disposition spatiale. Ils sont où les paragraphes ? Il est où le titre ? Et il faut avoir tout ça en un seul coup de doigt, je vais dire. Il va falloir, si vous êtes en braille numérique, vous n'avez que 4 mots par 4 mots. Donc vous ne pouvez pas savoir comment il faut disposer le texte. Le braille numérique c'est bien, mais je pense qu'aussi c'est mieux le papier, parce que en ce moment même je suis en train d'apprendre la lecture bimanuelle disjointe. Oui voilà, la disjointe. Et c'est bien, comme était en train de dire Isabelle, c'est surtout bien pour le bac quand il faut se rappeler d'une partie du texte, comme ça après Bah sur papier on vient direct en arrière, c'est un coup voilà, de main. Sur braille numérique il faut réchauffer. C'est ça. Vous êtes très passionnant. Moi je vois pas le temps passer. Hein. On va déjà faire une petite première pause, une pause musicale avec un titre que j'ai écrit qui parle du braille justement. Tu me diras ce que t'en penses, Shelton, après. Sur toutes les voies de Médoc, c'est inscrit. Les petits points disent ce qui est prescrit. Pas besoin d'écran, ni de wifi. Il est là. Même s'il est plus vieux que l'électricité, il a encore sa place dans la modernité. Alors faut garder. Alors Shelton, pour toi, le braille, c'est funky, c'est ringard ou c'est rock'n'roll ? Ah, c'est rock'n'roll. C'est rock'n'roll, ouais. Ok, bah c'est bien ça. Venons-en maintenant à l'aspect un peu plus technologie, parce que vous en avez déjà pas mal parlé tout à l'heure. Ouais. Et c'est vrai que je me rends compte qu'effectivement, le braille, bah, c'est pas ringard parce que vous le pratiquez et que surtout, ce qui prouve que le braille n'est pas ringard, c'est que la technologie s'adapte. Ouais. Qu'est-ce que tu utilises ? Donc, on a vu que tu utilisais les claviers, que tu utilisais l'ordinateur. Moi, j'aurais une question à te poser parce que moi, je travaille énormément. Évidemment, je suis non-voyant. Donc, oui. Moi, je travaille beaucoup avec le lecteur d'écran, c'est-à-dire VoiceOver si tu es sur Apple ou TalkBack si tu es sur Android ou NVDA si tu es sur Windows. Enfin, il y a plein de lecteurs d'écran. C'est ton ordinateur qui te parle. Ok. Est-ce que tu utilises ça ? Non. Et pourquoi ? Enfin, alors, comment dire ? Moi, des fois, franchement, j'essaie de m'adapter de plus en plus avec la lecture. Mais des fois, franchement, quand ça va pas, je vais mettre la synthèse vocale de l'ordinateur, juste pour aller un peu plus vite. Mais sinon, non, en ce moment, j'essaie de plus de m'adapter avec la lecture parce que c'est important aussi. Bah, c'est vrai qu'il faut que tu le maîtrises bien, le braille, mais il y a tellement d'outils, Isabelle. Vous utilisez ces nouvelles technologies ? Oui, oui, tout ce qui est... Chez Don't Oublier, les livres, par exemple. Les livres audio aussi. Formidable, les livres audio. Ouais. C'est... On fait parfois pour alléger la tâche à Shelton qui est fatigué quand même. C'est lourd intellectuellement, c'est le braille. Très lourd avec l'emploi du temps. Voilà, il a beaucoup. Donc en fait, par exemple, ses cours, parfois je les enregistre moi-même. Et puis je lui donne en MP3, en version MP3, pour qu'il puisse les écouter. Pour aller. Tu es jeune, bon, t'as peut-être pas encore tout ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, un téléphone. T'as un téléphone ? Oui, j'ai un téléphone. Alors, dans le téléphone, moi j'ai un Samsung, et comme vous avez dit, il y a TalkBack. Sauf que utiliser ses deux doigts, non. Donc, moi j'ai pris Voice Match. Donc ça c'est Google et avec Gemini en plus. Comme ça, intelligence artificielle. Voilà, parce qu'après moi je fais pas grand chose sur mon téléphone. Je suis plus sur TikTok, Snapchat. T'es sur les réseaux sociaux, comme on dit. Voilà, ouais. T'aimes bien ça. Bah oui, on remarque tous les jeunes aiment ça. Hein, tout à fait. Oui. Et ce matériel, est-ce que pour toi, tu trouves facilement des manuels d'utilisation ? Parce qu'il y a plein de choses qui sortent. Ton Samsung, il va peut-être obsolète dans 4-5 ans, il fera un autre. Et comment tu fais pour t'en sortir, le manuel ? Tu vas le trouver où ? Le manuel du téléphone ou... Du téléphone de n'importe du quoi, on peut imaginer. Ça c'est compliqué parce que je navigue pas trop sur mon téléphone, comme je vous l'ai dit. Et puis, j'ai quand même un entourage qui est quand même bien, hein, voilà, qui sont... généreux. Donc, je leur demande, mais non. Enfin, après, le manuel... non. Est-ce que des manuels spécifiques audio, tu penses que ça pourrait être utile ? Ça peut être utile, mais pas, pour moi, non, pas... Non. Parce qu'en braille, un manuel, j'ai bien compris, Isabelle, ça peut prendre... Ça peut prendre une armoire complète. Ça peut prendre deux volumes ou une armoire complète, encore, ça dépend du matériel. Encore sur le téléphone, je sais pas trop. Voilà. Parce que je connais quand même bien mon téléphone. Donc je me dis que bon, voilà. Mais Shelton, imagine si tu changes de téléphone. Là, tu le connais bien. T'as un nouveau téléphone. Non, je comment connais tu pas, vas faire ? Qui c'est qui va t'apprendre en fait à t'en servir ? Bah, mon père. Mais ça veut dire que tu vas pas pouvoir le faire de manière... autonome. Mais non, tout seul. Parce que justement, c'est ce que justement on va mettre. Imaginons que j'ai un iPhone 15. Il y a le VoiceOver. Imaginons, il y a Siri aussi. On va installer toutes les applications, tout ça, et avec ce système, j'aurais juste à dire Siri, mets-moi dans telle application. En fait, j'aurais c'est même pas si simple que ça, Shelton. Parce que déjà, tu parles d'un iPhone 15 qui n'est pas nécessairement adapté avec l'intelligence artificielle. Hein. C'est le 15, le plus haut de gamme de 15, et puis après c'est le 16 et 17 qui ont l'intelligence artificielle. Mais c'est pas si simple. Bon, pour moi, j'essaye de mon côté, hein, à part de développer des guides audio pour les non-voyants. Est-ce que ça, tu penses que ça pourrait être utile ? Ça pourrait être utile, mais je m'y vois pas trop. Enfin... Je te sens vraiment branché braille. C'est incroyable, ça. Ouais, Shelton, il est un peu atypique hein, comme élève. Ah oui, il est à fond oui. dans le braille. Il est excellent. Hein. Franchement, c'est un excellent élève. Il veut avancer. Et c'est vrai qu'il n'est pas... Pour la technologie, c'est pas encore son truc, mais ça va arriver, je pense. C'est pas trop mon truc. Je sais que c'est utile. Mais après, il faut aussi savoir... Faut aussi se dire que, par exemple, moi, j'avais mis Voice Match. Au bout de 3 jours, le voice match il s'est désactivé. J'ai pas pu le remettre parce que du coup, je ne savais pas comment faire et j'avais que Gemini. Donc en fait, tout peut tomber en panne. Enfin, oui, bah c'est compliqué. Donc ouais, je préfère largement le braille qu'à la technologie, mais je sais que ça peut être utile. Bah, écoute, on va passer le clip audio qui va un peu parler de technologie. Tu vas écouter et tu vas voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le braille, parce que vraiment la technologie s'adapte. Bienvenue sur N. Aujourd'hui, on explore un sujet assez étonnant, le braille. On pourrait penser, avec tous nos écrans, nos voix de synthèse, que ce système de points du 19e siècle, il est un peu dépassé, quoi. Oui, c'est l'image qu'on pourrait avoir. Et pourtant, les infos qu'on a montrent tout l'inverse, en fait. Il est hyper intégré. Exactement. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment ce code tactile, inventé bien avant l'électricité, comment il trouve sa place et comment ça marche au cœur de nos technologies d'aujourd'hui. C'est ça. On va regarder un peu l'histoire, le principe, mais surtout l'intégration technique. Parfait. Alors pour commencer, petit rappel rapide, Louis Braille, 19e siècle, il était aveugle lui-même. Mmh. Il s'inspire d'un code militaire pour l'écriture la nuit et il crée son alphabet à 6 points en relief. Le but, c'était clair, l'éducation, l'autonomie pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Et ce système, il a fait le tour du monde, adapté à plein de langues. Il y a même un gros bouquin, World Brain Usage, qui liste toutes ces adaptations. C'est impressionnant. Ah oui, quand même. Et ce qui est frappant, tu vois, c'est pourquoi ça reste si important aujourd'hui. C'est pas juste une alternative à l'audio. Non, qu'est-ce qu'il apporte de plus alors ? Le braille, ça permet une vraie alphabétisation. L'orthographe, la grammaire, la mise en page, la structure d'un texte, tout ça, l'oreille ne le capte pas de la même façon. Ah oui, c'est vrai. C'est une lecture plus analytique, peut-être ? Exactement. C'est fondamental pour l'autonomie intellectuelle, pour l'accès à la culture, pour l'éducation poussée. C'est un outil clé pour l'accessibilité, en fait. D'accord, je vois. C'est crucial. Alors, venons-en au vif du sujet. Comment ça marche avec nos appareils numériques ? Comment on fait passer du texte sur un écran lisse au toucher ? Alors là, on entre dans le monde des plages braille. On dit aussi afficheurs braille. Plages braille, ok. Oui, ce sont des petits appareils, des périphériques qu'on branche en USB ou même en Bluetooth sur un ordinateur, une tablette, un smartphone. D'accord. Et cet appareil, il reçoit le texte qui est à l'écran et il le traduit quasi instantanément en braille. Comment ? Grâce à des rangées de petits picots. Des picots ? Oui, des petits points en métal ou en plastique qui montent et qui descendent sous les doigts de l'utilisateur pour former les caractères braille. On appelle ça des cellules braille rafraîchissables ou dynamiques. Ah, c'est ingénieux, hein ? Donc le texte défile sous les doigts, en quelque sorte. C'est exactement ça. Certains, comme Lenovo, les appellent d'ailleurs juste lecteur braille. C'est une traduction tactile en temps réel. Génial. Mais j'imagine que ça n'affiche pas une page entière d'un coup. Ah non, effectivement. La plupart du temps, ça affiche une seule ligne de texte. Ça peut varier, disons, entre 12 et 80 caractères braille à la fois. D'accord. Donc, faut lire de manière linéaire, suivre le texte qui se rafraîchit. Voilà. Et bon, l'autre aspect, c'est que ça reste un matériel qui a un certain coût. C'est pas encore totalement démocratisé, même si c'est une avancée énorme pour l'accès à l'info numérique. Compris. Ça, c'est pour lire depuis l'appareil. Mais l'interaction, ça va dans les deux sens, j'imagine. On peut aussi écrire en braille avec ces technologies. Tout à fait. Les sources parlent de saisie directe sur écran tactile, par exemple, sur un iPhone. Alors là, ça m'intrigue. Comment on peut taper du braille, qui demande normalement des touches physiques, sur une surface toute lisse comme un écran ? Ça paraît bizarre. Mais c'est une adaptation logicielle assez maligne, en fait. Ah, raconte. Prenons l'exemple d'iOS avec VoiceOver. Il y a une fonction « Entrée braille à l'écran ». L'écran tactile, en gros, il simule les 6 points de base du braille. Un peu comme les touches d'un clavier Braille Perkins, la machine à écrire braille classique. D'accord. 2 points pour former les lettres, comme sur un vrai clavier braille. Et le téléphone reconnaît ces combinaisons et les transforme en texte. C'est fou. Donc on peut vraiment écrire un SMS, prendre des notes, naviguer sur le web en tapant directement en braille sur l'écran ? Exactement. Le braille devient une méthode d'entrée, pas juste de sortie. Ça permet une interaction rapide, confortable pour ceux qui maîtrisent bien le braille. Ça renforce vraiment l'autonomie numérique, alors ? Carrément. Et si on prend un peu d'auteur, ça montre quoi ? Ça montre que le braille, loin d'être figé, il s'adapte. il dialogue avec les nouvelles interfaces. Ce n'est pas seulement lu depuis la technologie, il interagit avec. C'est une belle preuve de vitalité. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'on retient ? Le braille, gadget nostalgique ou outil d'avenir ? Ah ben, les sources sont claires. Hein. Tout sauf une relique. Il évolue main dans la main avec la technologie. Les plages braille, la saisie sur écran, c'est pas des petits plus, hein, ce sont des intégrations profondes. Ça confirme son rôle essentiel, irremplaçable même, pour l'accès à l'info, la communication, l'éducation. Son adaptation, c'est la preuve qu'il est bien vivant. C'est très clair. Et ça nous laisse avec une question pour la fin, peut-être. À une époque où l'audio, les assistants vocaux, prennent une place énorme, quel rôle unique, quelle spécificité pour une compétence comme la lecture tactile ? Oui, c'est une bonne question. Au-delà de l'accès à l'information pour les personnes concernées, est-ce que le braille, comme mode de lecture qui permet de voir la structure, l'orthographe, une lecture plus profonde peut-être, n'a-t-il pas une valeur ajoutée unique à offrir dans le futur de l'alphabétisation numérique pour toutes et tous ? C'est une excellente piste de réflexion, en effet. Qu'est-ce que le tactile apporte que l'auditif seul ne peut pas fournir en termes de compréhension fine ? Voilà, de quoi continuer à réfléchir après notre échange. Bien, donc je crois que la réponse à la question de départ, c'est que le braille, il est toujours aussi moderne, hein, Shelton. Je suppose que tu es d'accord avec moi, puisque tu l'utilises beaucoup. Et je pense que, là, c'est Isabelle, je t'interpelle un petit peu, c'est hyper important pour l'orthographe, la grammaire, la mise en page. Ah bah oui, tout à fait. C'est sans ça, comment on fait si on n'utilise que des systèmes audio, une synthèse vocale ou même la dictée vocale, parce qu'aujourd'hui, on peut dicter un texte à son ordinateur. Eh ben, elle est où l'orthographe ? Elle est où la grammaire ? Elle est où la syntaxe ? Alors, en fait, c'est le risque. Certains vous diront, c'est une correction automatique. Mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Shelton, ton avenir, tu le vois. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Bon, tu vas devenir un vrai pro du braille. Mais avec ça, qu'est-ce que tu envisages ? Je te sens plein d'ambition. Je te sens... Avec ton dynamisme, tu as des idées. Ouais, en fait, déjà, j'ai beaucoup d'idées parce que, bon... J'essaye aussi de m'adapter avec le handicap que j'ai, parce que à l'époque d'aujourd'hui, bon, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut aussi savoir s'adapter. Et puis, à la base, moi, je voulais devenir pâtissier, mais quand je me suis orienté vers des gens qui connaissent un peu le handicap, ils m'ont dit qu'en fait, ça serait un peu trop dur même, parce qu'en fait, il faut se déplacer partout. Enfin, quand t'es malvoyant, tu peux pas trop... Tout ce qui est manuel de ce type, c'est pas évident. Aussi, j'ai remarqué que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler. J'aime beaucoup parler. On a remarqué. Quand Isabelle est venue, quand vous êtes venu à Jules Lagneau, à Georges, pour vous parler un peu de votre vie, le témoignage et tout, je me suis dit, en fait... Pourquoi pas m'orienter dans tout ce qui est vers le journalisme, radio, même humour, tout ça, parce que, bon, ça me reflète, donc ouais. Je te souhaite vraiment d'y arriver, t'as un punch, t'as un dynamisme, moi j'aime bien voir des jeunes comme toi, et franchement, merci de tout ça, quoi. Merci d'être Shelton. Ah bah. Isabelle, en termes pédagogiques, l'éducation nationale, j'étais content d'apprendre que elle répondait assez facilement quand il y a des non-voyants qui arrivent dans une classe ou des très malvoyants. Moi, j'ai pas connu ça du tout. Hein. Et puis, on est bien accueillis, hein, franchement. Accueillis par qui ? Ah oui, d'accord. Oui, donc Isabelle, l'éducation nationale, il y a encore des progrès à faire, je suppose, mais une petite équipe comme la vôtre, il n'y en a pas beaucoup quand même. Alors notre structure, nous, à Nancy, là, ce qu'on appelle la SADV, elle est unique en France parce qu'elle est historique. Ce sont des enseignants aveugles qui l'ont créée il y a plus de... 50 ans, donc, et ça s'est transmis à Nancy. Ouais, c'est une structure qui est unique en France. Sinon, après, on a des instituts comme Santifontaine dans toutes les grandes villes de France, avec des enseignants spécialisés qui se déplacent dans les classes, avec des internats. Et vous avez par exemple l'INJA à Paris aussi, l'Institut National des Jeunes Aveugles, qui est un peu semblable à Santifontaine. Voilà, vous en avez partout en France, dans les grandes villes. Du coup, parce que vous parliez d'unique en France qui se passe à Nancy. Est-ce que l'éducation nationale regarde ça un peu de plus près pour éventuellement reproduire ce projet ? Le reproduire, je sais pas, parce que maintenant il existe aussi ce qu'on appelle l'éducation nationale a mis en place des ULIS, des unités locales d'inclusion, localisées d'inclusion scolaire, mention déficience visuelle. Donc par exemple, Shelton, il était dans une ULIS des fonctions visuelles à Metz. Moi j'ai remarqué. Sur des classes spécialisées. Mmh. Nous, on fonctionne pas tout à fait de la même manière. Parce que j'aurais dit une SAEDV, enfin, selon moi, selon ce que j'ai vu, c'est beaucoup plus organisé. Ça, c'est beaucoup plus organisé. Et puis moi, quand j'étais dans une ULIS, surtout en sixième, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai vraiment pas eu beaucoup, beaucoup d'heures d'apprentissage de braille, quoi. Enfin, c'est parce qu'en plus, en une ULIS, c'est comme une classe normale, mais qui inclut aussi des DV, des gens qui sont DV, déficients visuels, hein. Ouais. Qui ont d'autres troubles, quoi. Donc c'est, faut un peu se partager dans tout ça. Alors que les SAEDV, c'est vraiment, ça a vraiment été fait, j'ai l'impression, pour les déficients visuels. Rappelez-moi ce que signifie le sigle SAEDV. Alors le S c'est structure, le A d'accompagnement, des élèves déficients visuels. D'accord. Structure d'accompagnement des élèves déficients visuels. Écoutez, j'aurais envie de continuer avec vous parce que Shelton, franchement, t'es formidable. On n'a pas le temps, on a déjà débordé. En tout cas, je vous remercie tous les deux, Isabelle, pour ta gentillesse, Shelton, pour ton dynamisme, ton punch. Les auditeurs, je vous retrouverai dans un mois, pour janvier, pour une nouvelle émission. Sachant que cette émission, vous la retrouverez sur les podcasts de Fadjet, et puis également sur ma chaîne YouTube qui reprend toutes les émissions précédentes, les clips audio que vous avez entendus, les chansons, tout ça, vous pourrez trouver et bien d'autres sur ma chaîne YouTube www.youtube.com/papy.josé54. En attendant, je vous dis portez-vous bien et surtout accrochez-vous. Joyeuses fêtes de fin d'année. Joyeuses fêtes. Au revoir à tous. Joyeuses fêtes.